Culture Mag. Chaque semaine, c'est Culture Mag sur Attitude. Culture Mag, votre magazine culturel diffusé le jeudi à 20h et le samedi à 13h. Pour cette seconde partie d'émission, nous recevons Michel Verneuil, président de l'association Léon France, pour parler de l'accompagnement administratif et l'aide à la gestion des TPE et PME sur le territoire français. Culture Mag. Culture Mag. Invité. Effectivement Seb, cette semaine dans Culture Mag, nous allons recevoir Michel Verneuil, président et fondateur de l'association Léon France. Michel, bonjour. Bonjour. Léon France, association créée en 2005 sous le nom de Léon XVI, rebaptisée Léon France en 2014, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors on se tutoie dans la vie hors micro, on va faire pareil à l'antenne. On connaît le nom dans le département, on ne connaît pas forcément toujours l'émission exacte. Tu es à l'origine de Léon XVI en 2005, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu crées cette association à ce moment-là? Bien, l'association s'est créée en 2005 suite à la mise en garde à vue de David Noël, qui était à ce moment-là administrateur judiciaire à Angoulême. Nous avons pu, au bout de 20 ans de combat contre toutes les choses qu'il faisait plus ou moins bien, trouver une situation qui nous permettait de montrer que la juridiction commerciale d'Angoulême était quand même quelque chose de malfaisant. Le but de l'association, c'est d'aider des entreprises, quel que soit leur statut. Oui, tout à fait, quels que soient les statuts. Bon, bien que on est plutôt limité à des PME, TPE, PMI, TPI, pour des raisons de structure, hein, puisque les grosses entreprises ont quand même tout ce qu'il faut. Un service juridique adéquat, généralement. Oui, tout ça, ouais. Commerçants, artisans, professions libérales? Oui, profession libérale, agriculteur, viticulteur, on a eu à peu près de tout. Association également, je crois. Psychologue, association, oui, on a eu de tout. Vous avez même des auto-entrepreneurs qui vous contactent parfois? Tout à fait, micro-entrepreneurs, micro-entreprises, auto-entrepreneurs. Nous sommes ouverts à toute clientèle en difficulté. Clientèle, c'est une façon de parler, hein, en difficulté, ou bien qui n'est pas obligatoirement en difficulté, mais qui risque de le devenir, et qui viennent chez nous pour obtenir des informations. Pour éclaircir un petit peu les choses, pourquoi Léon XVI est passé Léon France en 2014? Ben parce qu'on avait beaucoup plus d'aura au niveau national, il y avait des contacts qui venaient un petit peu de toute la France, bon, même du temps de Léon XVI, si je puis dire, et puis bon, c'était une manière de faire un coucou national, de dire, bon, ben, on va au-delà, j'ai été appelé à des endroits assez lointains, Nancy, Roubaix, Besançon, Avignon, Montpellier, Bordeaux, Mont-de-Marsan, enfin, j'en pensais des meilleurs. Donc, du moment que la structure tombe sous la juridiction française, on peut vous contacter et faire appel à vos services? Absolument. D'accord. Absolument. On nous retrouve sur Internet, j'ai des contacts sur La Rochelle, sur Besançon encore, qui viennent de venir, Clermont-Ferrand hier, enfin voilà. Qui compose Léon XVI, Léon France aujourd'hui? C'est un conseil d'administration de 14 personnes. Des profils bien différents, donc orientés plutôt dans le conseil, dans le juridique? Orientés dans le juridique un petit peu, surtout dans l'envie de ne pas voir à vivre ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, pour certains, oui. Oui, donc souvent des parcours chargés d'embûches. Absolument. Et c'est donc le but de vouloir aider les autres. On va donner quelques exemples concrets, peut-être une entreprise qui a une difficulté financière. Quand est-ce qu'elle vient vous voir? L'entreprise peut venir nous voir à tout moment. Moi, ce que je demande, c'est qu'on vienne nous voir quand le clignotant commence à passer du vert à l'orange. Mmh. Du vert à l'orange, on peut encore faire beaucoup de choses. Quand on passe de l'orange au rouge, on est beaucoup plus limité. Bon, c'est une façon de voir les choses en prenant ces feux clignotants. Bon, dès que vous sentez que quelque chose se passe, bon, les travaux dans des rues, des difficultés de clientèle, comme on l'a vu dernièrement avec les gilets jaunes, on a pu obtenir quand même des redressements intéressants par l'URSSAF, qui avait des désordres de faire quelque chose. Bon, on peut venir à tout moment. Bon, après, on peut accompagner aussi les gens en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, mais bon, ce qu'on chercherait, c'est plutôt avant. On aide aussi les gens au niveau psychologique, hein. Ce qui m'arrive en ce moment, là, j'ai quelqu'un qui va très très mal. On est là dans tous les domaines, et puis on s'investit à côté d'eux. Donc c'est avant tout de l'écoute, des conseils, de l'orientation. Vous faites bénéficier, je suppose, de votre carnet d'adresses pour orienter. On oriente vers les avocats, les experts comptables, notaires, huissiers. Enfin, on a un panel complet de partenaires, entre guillemets. Ah oui, de partenaires. Hein. On utilise souvent les mêmes, mais on a un panel même avec les administrateurs judiciaires. On a aussi on travaille avec eux de manière la main dans la main, hein, si je puis dire. Bon, non, ça se passe nettement mieux depuis la mandature du président Bouchot au tribunal de commerce d'Angoulême. C'est vrai qu'il y a eu un changement fondamental. On essaie d'aider au maximum les gens. Depuis 2005, est-ce que la situation se complique ici dans notre département? Lourd à gérer? Oui. Je dois dire qu'il y a des cas bien difficiles à gérer. Ça l'a toujours été plus ou moins, mais en ce moment, depuis 3-4 mois, il y a une recrudescence. Alors, est-ce qu'on peut lier ça au phénomène gilet jaune? C'est pas impossible. Moi, je sais que je mets ça aussi sur les travaux dans le Grand Angoulême, beaucoup, dans d'autres communes aussi. Bon, à Confolens, il y a eu quelques soucis aussi avec les travaux. Les travaux sont toujours préjudiciables au commerce. Ça c'est certain. Bon, c'est pas toujours non plus vu au départ avec les municipalités ou les agglomérations avec les commerçants. On a parlé d'entreprise en difficulté, mais une entreprise qui souhaite opérer une opération de transmission, c'est également l'occasion de venir vous rencontrer. Oui, et à ce moment-là, on peut travailler aussi avec cette entreprise, avec le chef d'entreprise. On travaille aussi avec son expert comptable, le notaire. Éventuellement, et puis surtout les avocats. Et dans le cas où une entreprise ou un auto-entrepreneur souhaite changer de situation juridique, là aussi vous êtes là pour l'épauler? Nous pouvons le conseiller aussi, ce qui arrive en ce moment. Ouais, quelqu'un qui veut passer d'une URL en auto-entrepreneur, ouais. On va le conseiller, et puis je me suis aperçu que nos conseils n'étaient pas les mêmes que les conseils de la Chambre des métiers. D'accord. Sachant que, sans aucune prétention, c'est moi qui ai raison. Bon, bravo, allez en France. Moi, j'ai jamais eu la langue de bois. Hein. On n'est pas là pour ça, naturellement. Beaucoup d'entreprises orientées vers le commerce, si je comprends bien. Beaucoup d'entreprises, le commerce, et puis beaucoup l'artisanat. Hein, artisanat, que ce soit malheureusement la boulangerie, il y en a beaucoup en ce moment, que ce soit les artisans maçons, plaquistes, enfin il y a beaucoup, on a tous les domaines, oui on a vraiment tous les domaines. Est-ce que ces artisans, ces entrepreneurs connaissent bien leurs droits? Non. Ils savent même pas ce que c'est que de la gestion. Et j'ai toujours une image, tu peux te mettre maçon à condition d'avoir une brouette et une truelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même toute la gestion qui vient derrière. Quand on a beaucoup entendu des méfaits, entre guillemets, du RSI, c'est pas les méfaits du RSI, c'est la méconnaissance du RSI, on sait pas ce que c'est exactement, on s'en est jamais occupé, et puis bon, vous vous installez, et puis 3 ans après, vous avez les comptes, vous avez la remise à plat du RSI, ce que vous devez et tout, puis vous avez mangé tout l'argent, etc. Non, il y a une méconnaissance totale que ce que c'est que de gérer une entreprise. Il y a un effort colossal à faire par les chambres de commerce et les chambres des métiers, même la chambre d'agriculture. Il y a un énorme travail à faire. Ce qui est fait, faut le reconnaître. Mais il y a encore beaucoup plus à faire dans ce domaine-là. Nous, on le fait aussi. On apporte des aides structurelles à tous ces gens-là. Mais bon, on peut malheureusement pas être partout. Et vous travaillez en partenariat avec ces chambres consulaires? Bah oui, moi je suis membre associé de la CCI déjà. En plus, je suis très près de la Chambre des Commerces, aussi bien à titre intellectuel, je dirais, que de manière géographique, puis je suis à 50-60 mètres de chez eux. Oui, je travaille de plus en plus avec eux, moins avec la Chambre d'Agriculture. Vos partenaires forts, on l'a dit tout à l'heure, hein, à la fois avocats, juristes, il y a d'autres partenaires institutionnels également qui vous accompagnent, hormis ces chambres consulaires? Non, après, bon, ce sont les experts comptables, oui. Les notaires quand on a des transactions à faire, parce que bon, le but aussi de l'association a été, avant la loi Macron, sur sauver la maison personnelle des artisans, etc. Bon, ça a été de faire conserver à nos adhérents leur maison. Bon, j'en ai encore 2 ou 3 à sauver en ce moment, ça traîne parce que c'est très long, faut trouver des financements. On le fait en accord avec avec le tribunal, ce qui est important, avec, en accord avec le mandataire judiciaire, ce qui est aussi très important, et aussi souvent avec l'accord du procureur de la République, qui a la possibilité de dire oui ou non sur un projet qu'on peut avoir. Mmh. Vous parlez de loi Macron, j'imagine une question de contexte politique. Depuis des années, les gouvernements successifs utilisent souvent la figure du petit patron de PME, TPE pour légitimer les réformes économiques, en prétendant vouloir faciliter la vie des petites entreprises, des esprits créatifs, audacieux, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures profitent réellement et en priorité aux TPE, PME ? Non, tout simplement, on parle de ça, bon, moi j'ai donné des chiffres, 92% du tissu en France, c'est des PME, TPE, etc. Mm-hmm. Bon, le reste, c'est le CAC 40, enfin ce qu'on appelle le CAC 40 dans vos entreprises. Mm-hmm. Donc, on fait de la réformette, on a toujours fait de la réformette dans ce pays, de toute façon, c'est le bordel, excusez-moi du terme, depuis 50 ans, hein, mm-hmm. facile, puisque vu mes années passées à toute cette vie française, je me suis rendu compte de tout ça, j'ai passé plusieurs gouvernements et tout. Actuellement, on a voulu faire quelque chose, on n'a pas compris, je pense. Bon, peut-être que ça s'est mal présenté, tout n'est pas fait correctement. Je me suis rendu plusieurs fois à la Chambre des députés, au Sénat, j'ai essayé de faire passer des messages avec les politiques charentais qui m'ont aidé, que je remercie, mais il y a encore beaucoup à faire, mais il faudrait que tout le monde veuille s'investir correctement. Sauf rare exception, on a toujours plus ou moins connu des sociétés de marché, c'est-à-dire avec une monnaie, des marchandises et de la production, mais depuis deux siècles, on a un système économique et politique qui est basé sur l'accumulation de richesses comme priorité première, ce qui a tendance, si rien n'est régulé, bien sûr, à favoriser de très gros acteurs économiques qui ont toujours déjà la plus grosse part du gâteau. Est-ce qu'en tant qu'organisation de défense des petits patrons, vous avez déjà eu l'occasion d'échanger entre vous sur un modèle économique plus propice aux petites et moyennes structures, pour éviter justement d'avoir des grosses corporations qui d'un côté vont ponctionner du CICE et de l'autre côté des auto-entrepreneurs à 400 euros de chiffre d'affaires mensuel? Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je me suis rapproché plusieurs fois par an et depuis 14 ans auprès des gouvernants, auprès des politiques. J'ai essayé de faire beaucoup de choses. On a eu des petites avancées, mais pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que l'emploi du temps ne me le permet pas. Aujourd'hui, moi j'ai un à deux dossiers pratiquement qui rentrent tous les deux jours. Ah oui. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il faut passer d'un dossier à l'autre constamment. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, il a fallu changer les horaires de 5 de rendez-vous que j'avais parce que j'ai un client, un adhérent plus exactement, pardon, un adhérent qui est au bord du gouffre, qui est au suicide parce que il a un pépin qui n'a rien à voir avec son métier, mais qui a à voir sur la structure de son bâtiment. Bon, donc c'est très difficile. Les journées sont de 24 heures pour tout le monde. J'essaie de dormir un petit peu et c'est vrai que c'est un manque de temps, un manque de bénévoles pour s'occuper de tout ça. Ça c'est évident, il y a beaucoup à faire, j'aimerais pouvoir le faire, et puis j'ai pu il y a l'âge qui est là et j'ai des difficultés, mais en ce moment des difficultés personnelles d'organisation. Bon, et j'essaie de me rapprocher vers une structure bordelaise Entraide et Entreprendre pour essayer de trouver un suivi dans la fonction de Léon France. Si je comprends bien, le temps passé à porter tous ces dossiers et à aider ces personnes en difficulté limite le temps pour défendre les droits, en globalité aller porter entre guillemets la bonne parole auprès des politiques. Oui, et puis en plus auprès des politiques on n'a pas l'écoute qu'on aimerait avoir, hein. Ouais. Moi j'ai rencontré une présidente de commission à l'Assemblée nationale au mois de septembre, j'attends toujours son retour. Bon, je veux pas dire les noms parce que bon c'est désagréable, mais bon si on me chatouille un peu, je pourrais peut-être le dire. Bon, faut quand même. Bon, c'est pas possible. Moi, j'ai eu quand même des contacts avec certains politiques. On a eu des suivis. J'ai dîné aussi à l'Assemblée nationale avec un groupe de gens comme nous qui, bon, ben, on attend les retours. Bon, c'est bien gentil de nous inviter à dîner, c'est bien gentil de nous écouter, mais si c'est pour rien faire, c'est pas la peine, quoi. Il faut qu'on fasse autre chose. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue avec les gilets jaunes, la cause est profonde. Alors, les entrepreneurs, bon ben ils osent pas, mais bon, pourquoi pas qu'on puisse monter quelque chose aussi pour se faire entendre, parce qu'on n'est pas entendu du tout, ou mal entendu, c'est ça. L'association donc recherche donc de nouveaux bénévoles pour venir en en aide et soutenir un petit peu cette équipe? Tout à fait. Faudrait, moi, ce que je recherche, c'est des gens un petit peu comme moi qui soient à la retraite, qui aient du temps disponible, parce que s'occuper des autres, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Le bénévolat, c'est quelque chose. Bon, enfin, je fête ma 60e année de bénévolat cette année. Bravo. Voilà, oui, bravo, j'en suis très fier. Je l'ai fait dans plusieurs domaines, que ce soit le sport, que ce soit la vie de l'entreprise avec l'ADI à une certaine période, que ce soit le Téléthon, que ce soit Léon, que ce soit le CERF. Enfin bon, je suis passé par beaucoup de choses, que ce soit l'Étrier Charentais. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai une carrière qui est quand même assez forte et pour laquelle je suis fier, même si j'ai eu des échecs. Bon, qui n'a pas eu d'échecs? Bon, mais les échecs aident à rebondir. Bon, sauf qu'en France, c'est pas reconnu comme tel. En France, t'es montré du doigt, tout le monde te regarde de travers et tout. Aux États-Unis, c'est une réussite comme une autre. On va même chercher des gens qui ont des difficultés parce que ce qu'ils ont appris, ben, ça va pouvoir le porter aux autres. Ce qui fait que l'association a encore un petit peu de temps pour avoir une activité de veille et s'intéresser en permanence aux nouvelles lois, aux nouveaux projets de loi et venir en amont informer vos adhérents. Oui, bien sûr. De toute façon, ça fait partie aussi de certaines priorités. Bon, moi, je le suis régulièrement. Je suis abonné à certaines revues. Je suis sur Internet aussi à rechercher des choses. Bon, je travaille assez souvent avec Thomas Meynier, avec Nicole Bonnefoy, avec Sandra Marceau aussi. Bon, c'est vrai. Bon, à une époque, je travaillais aussi avec Jérôme Lambert, mais bon, actuellement, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Bon, j'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale. Bon, ce que je voudrais, c'est pouvoir recommencer, c'est pouvoir apporter des idées qui puissent développer le système, parce que bon, 92%. De la vie économique française et dans le petit. Une entreprise, là, un commerçant, un artisan qui rencontrerait une difficulté, vient vous rencontrer de quelle manière? Il y a des heures de permanence en semaine, de quelle manière on se manifeste auprès de vous? Il n'y a pas d'heures de permanence du tout, parce qu'il y en a eu, mais il y en a plus du tout, ça sert pas à grand chose. Non, les gens, c'est le bouche à oreille. C'est Internet. Ils vont taper quelque chose sur Internet et puis ils vont trouver tout un tas d'organisations plus ou moins valables. D'ailleurs, j'ai eu un coup de fil hier de quelqu'un de Clermont-Ferrand, qui me dit, mais j'étais dans une association du côté de Mulhouse, là-bas. On m'a envoyé vers Jean-François Torelli pour qu'il me donne des conseils, et ça fait quelques mois. Bon, j'ai rien compris. Bah oui, maintenant on comprendra plus rien puisque il est décédé. Oui. Mais bon, c'est quelque chose qui est bon. Et il faut quand même être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que quand on envoie quelqu'un quelque part, il faut être en mesure de pouvoir l'amener à ce qu'il recherche, l'accompagner à ce qu'il recherche. Bon, moi, quand je prends un dossier, ben, j'ai jusqu'au point final, et c'est jamais fini d'ailleurs, puisque il y a encore, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. 4 ans après, ben, ça lui retombe sur la tête, quoi. Faut tout reprendre. Non, mais on reprend un autre chemin, on reprend une autre organisation, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites en face. Bon, ben, la personne ne sait pas pourquoi il y a une erreur. Bon, ben, nous, on le sait parce que moi, en tout et pour tout, ça fait 34 ans maintenant que je m'occupe de tout ça, quoi. Le siège de l'association est basé rue de la Corderie à Angoulême, au 45, c'est ça? Non, c'est tout faux, monsieur. Ah, pardon. L'association est au 52 avenue Gambetta. 52 avenue Gambetta à Angoulême. Oui. N'hésitez pas à venir rencontrer Michel Verneuil, venir l'interpeller si jamais. Je voudrais rajouter quand même quelque chose qui est quand même important dans le domaine psychologique, dans le domaine de ce qu'on peut entendre, de ce que l'on entend à la radio sur les problèmes de suicide. Mm-hmm. Bon, parce que faut quand même savoir que des gens dans le domaine artisanal, commerçants se sont suicidés sur des procédures à peu près indélicates faites par certains mandataires judiciaires. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est le suicide en général, bien évidemment, mais le suicide aussi au niveau de l'agriculture. Bon, on sait très bien qu'en France, malheureusement, ça, c'est des statistiques, tous les deux jours, il y a un décès, il y a un suicide. Bon, donc là aussi, on s'est approché d'une association à Pesa, qui est basée à Saintes, qui intervient dans ce domaine-là avec une mise en place de structure. Donc c'est très important. N'attendez pas. Là aussi, on est compétent. On fait partie des sentinelles. On est compétent. On peut vous aider. La psychologie vient des difficultés. Il y a un problème, bien sûr, il y a tout un contexte. Il y a un problème familial qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer. Il y a les enfants, etc., etc. Donc tout ça, on est à l'écoute. On a ce qu'il faut dans notre organisation, dans notre réseau. On a ce qu'il faut pour aider les gens. Aider en globalité. En globalité, on suit même dans le cadre des suicides, des divorces, etc., etc. On essaie de c'est de l'écoute qu'il faut avoir le plus possible au départ pour connaître un dossier, pour le comprendre, il faut vraiment écouter. Ouais, donc ça veut dire des heures d'instruction de dossier, je suppose, avant de démarrer une opération, un accompagnement. Oui, tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup de cette précision. On rappelle l'adresse, Lyon France, 52 avenue Gambetta à Angoulême, 06 71 71 78 32 pour joindre Michel Verneuil, 06 71 71 78 32. Michel, merci beaucoup. Merci à vous tous. Sur Attitude, Culture Mag. Culture Mag, votre magazine culturel diffusé le jeudi à 20h et le samedi à 13h. Retrouvez l'émission ainsi que les précédentes en podcast sur le site de la radio attitudefm.com. Merci d'écouter Attitude et à la semaine prochaine. Chaque semaine, c'est Culture Mag sur Attitude. Culture Mag.